Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Amaya. Salut Amaya, comment tu vas ? Salut, bah écoute, ça va plutôt bien, et toi ? Ça va super, merci, et merci d'avoir accepté l'invitation. Mais de rien ! Ah, c'était vraiment, c'était cool de découvrir, je t'ai découvert à travers la vidéo que tu as faite avec Vanessa Caillot, qui a eu un certain succès, donc c'est une vidéo sur les mots de passe, tout ça, les galères informatiques, on va dire, quoi. Ouais, c'est quand tu dois, quand tu voulais faire un truc simple sur Internet et que tu te retrouves à créer un compte, faire de l'espace sur ton ordi, faire un mot de passe compliqué. Enfin voilà, en gros, tu voulais faire un truc simple et tu te retrouves à faire du tri dans tes photos. En résumé, ouais, quoi. Mais c'était génial et ben, je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Merci. Bon. Et ben, avec grand plaisir. Et donc, tu fais de la scène également et tu avais justement une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Ouais, j'ai plusieurs anecdotes. Après, alors moi, ça arrive souvent qu'on me demande « Ah, t'as des anecdotes et tout ?» Et généralement, je pense à des anecdotes et deux jours plus tard, il y en a deux qui me reviennent. Donc, je ne vais pas te rappeler dans deux jours, mais je peux t'en raconter quelques-unes. Ouais, vas-y. De toute façon, ne t'inquiète pas dans ce podcast. T'es à la maison, c'est la famille, il n'y a pas de souci. Et si jamais tu te rappelles d'anecdotes de malade et tout, quand on partagera une scène ensemble, à ce moment-là, on fera un épisode retour. Ok, d'accord, cool. Avec grand plaisir. Bah, ça me reviendra. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il ne m'est pas arrivé des trucs de malade, mais j'ai eu des petits problèmes techniques. Il y a un théâtre où je jouais et ils étaient toujours très ponctuels, tu vois. Il y avait écrit le spectacle commence à 20h, tu commences à 20h, quoi. Et du coup, j'ai plein d'amis qui n'ont pas pu me voir parce qu'ils arrivent en retard, tu vois, ils arrivaient à 20h05 et ils ne pouvaient plus rentrer. Même une fois, il y a quelqu'un qui est arrivé à 20h10, il a tapé, tu sais, c'est le genre de petit théâtre où la porte donne direct sur la rue, tu sais, il y a juste tu ouvres la porte, t'es directement dans le théâtre, tu vois. Ouais. Du coup, cette personne arrivait en retard, 10 minutes, elle a tapé, tambouriné sur la porte et tout pendant que je jouais. Tapait super fort. Après, il a laissé un message en disant que c'était un scandale, un théâtre qui commençait à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est pas un hommage au théâtre, genre le mec a voulu frapper les trois coups ? Peut-être, mais je pense qu'il en a, frappé beaucoup plus de trois. Mais peut-être, ouais. Mais donc, du coup, il était scandalisé et tout. Ah oui, il était scandalisé, ça, c'était très drôle. Genre, vraiment, il a dit, c'est un scandale, un spectacle qui commence à l'heure. Un scandale, voilà. Alors, je me demande quelle est sa position sur le scandale des gens qui arrivent en retard. Ah, je pense que c'est pas un scandale pour lui. Mais sache qu'en plus, il est régisseur. J'ai appris qu'il était régisseur dans un théâtre. Alors, dans son théâtre à lui, t'es programmé à 20h et tu joues à 22h, quoi. Peut-être. J'essaierai d'enquêter là-dessus. Mais du coup, bon, il a jamais vu mon spectacle. Et du coup, vu que ce théâtre commençait toujours vraiment à l'heure, la dernière représentation, souvent, tu sais, quand tu dis « c'est ma dernière », là, il y a tout le monde qui dit « ah, faut que j'y aille ». Du coup, dernière représentation, tous mes copains retardataires sont venus à l'heure, en avance devant le théâtre. Et là, eh ben, ce jour-là, il y a eu un énorme problème technique. Il y a eu un projo qui a explosé juste avant, genre 5 minutes avant qu'on ouvre la salle. Alors qu'on était toujours à l'heure, au moment où le spectacle commençait, j'étais debout sur les sièges en train d'aider le régisseur à changer les projos, quoi. Et du coup, ils ont pas fait un scandale, mais tous mes potes, ils sont fait « Mais enfin, à chaque fois, on arrive en retard, ça ouvre pas !» Et là, on arrive à l'heure, ça ouvre pas. Ouais. Ça a commencé à quelle heure, du coup, au lieu de 20h? Je crois qu'on a fini avec 15 minutes de retard, mais le régisseur frappeur de coups n'est pas venu ce soir-là, il aurait dû. Peut-être qu'il les aurait félicités de enfin commencer en retard, tu vois. Ah ben voilà, genre, ah, et ben merci, ma critique, elle a payé. Voilà, comme quoi on écoute les clients, très bien. C'est ça. Est-ce qu'il a lancé une pétition sur Change ? Non, je sais pas, mais peut-être qu'il a fait ça, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, ça a payé. Au moins, il y a pensé très fort et on l'a écouté. En fait, c'est même pas vous qui l'avez écouté, c'est le projo. C'est exactement, le projo peut-être était stressé de commencer à l'heure. Ouais, ouais. Mais donc, ouais, ça, c'est un truc, bon, c'est amusant, c'est juste toi, tu es là à faire ta diva, te dire je devrais être en train de me concentrer, et je suis debout en tenue, sur, en train de jouer les régisseurs. Mais, et dans ce même théâtre, il m'était arrivé un truc un peu marrant. C'est que c'est enfin, pas vraiment une galère, mais je vois le public, vraiment la salle était pleine et tout. Puis les gens rigolaient et tout, mais parfois je trouvais qu'ils avaient l'air un peu déconcentrés, tu vois, qu'ils n'avaient pas l'air complètement à fond. Et je disais, ah, bah, qu'est-ce qui se passe de quoi? Enfin, vraiment, comme j'arrivais pas à définir. Parfois, t'es habitué, tu sais comment les gens fonctionnent, et là, j'arrivais pas à cerner le problème. Et j'avais un copain au premier rang qui était là avec une amie. Et en sortant du spectacle, je reçois un SMS d'une autre copine qui me dit est-ce que tu as vu l'araignée sur scène? Et je dis, de quoi elle me parle? Et en fait, vu que c'était une amie de ce copain en premier rang, je me suis dit, ah, ça, parce qu'elle a dit la grande araignée. Alors je me suis dit, est-ce que c'est peut-être le surnom qu'elle donne à la fille qui était là à côté du mec? Parce que c'est quelqu'un qui donne des surnoms à tout le monde. Enfin, tu sais, genre, moi, je me dis, toi, tu sors de scène, t'es là, de quoi on parle, la grande araignée, quoi? Et en fait, la semaine d'après, le régisseur, il m'a expliqué qu'il y avait une araignée géante. Sur le vraiment pas une personne hein, un insecte, une araignée géante sur le mur de la scène, et lui, ouais. il m'a dit mais je peux pas te montrer le truc, mais vraiment tu prends ton index et ton pouce, tu fais un grand rond avec les deux là, enfin même tes deux mains, et il m'a dit, j'ai vécu à la campagne, je n'avais jamais vu un truc aussi grand. Ah ouais. Il m'a dit que c'était la plus grande araignée que j'ai jamais vue de ma vie. Donc moi je fais partie de ces gens qui sont pas très tolérants avec les araignées. Du coup, et il m'a dit, elle était sur le côté de la scène, donc c'est une petite scène parisienne, pendant les 15-20 premières minutes. Du coup, visiblement, en fait, les gens, ils rigolaient, mais tu vois, ils étaient là genre... Et c'était un peu... Et c'est-à-dire qu'ils me regardaient, mais en même temps, ils étaient en panique sur l'araignée. Et j'ai des copains qui m'ont confirmé. Oui, alors peut-être aussi qu'il rigolait sur le fait que toi, tu ne l'avais pas remarqué. Je pense aussi, parce que moi, je ne l'ai pas du tout vu, quoi. Et visiblement, à un moment, elle est partie dans les coulisses. Tu vois, elle a disparu. Et moi, je suis partie en coulisses aussi. D'accord, ok. Et tu ne l'as pas croisée, du coup. Je ne l'ai pas vue, mais c'était des années. Et même aujourd'hui, j'en tremble, tu vois, mais... ils ont dit que quand je suis partie en coulisses et après l'araignée, ils étaient vraiment ils se sont dit, elle va revenir en hurlant, quoi. En plus je me change et tout, elle aurait pu être sur mes affaires, et j'étais c'était non, mais apparemment c'était une araignée de théâtre très correcte, elle est arrivée à l'heure pour le spectacle. C'était une araignée vraiment très très cool et bien au courant des fonctionnements des théâtres, tu vois, elle a partagé la scène avec toi sans te déranger, elle a partagé la loge avec toi sans envahir ton espace, donc franchement bravo à elle, quoi. Merci. Oui, non, je pense qu'elle pourrait donner des leçons au régisseur retardataire, tu vois. Alors peut-être qu'il aurait mis un mot derrière, tu sais, c'est un scandale. Les araignées ne sont pas respectées, elle n'a même pas laissé la parole, elle a fait le spectacle toute seule. Était-elle déclarée? Était-elle rémunérée? Vraiment, on fait du mal aux intermittents? Ouais, peut-être, ouais. De toute façon, je vais y retourner, je pense qu'elle est encore là, je pense qu'elle est encore en coulisses. Mais je sais pas, si je l'avais vue, je sais pas ce qui se serait passé, parce que là, franchement, je pense que si je l'avais vue, j'aurais bondi dans le public, quoi. Mais c'est la question que j'allais te poser. Voilà, si tu t'étais tourné et que tu l'avais vu, je pense que tu aurais eu le même réflexe que tout le monde, genre un réflexe de Franchement, je pense il y avait pas des énormes arachnophobes. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, parce que arachnophobes. Ouais, je trouvais qu'il y avait trop de A dans cette phrase. non, mais s'il y avait vraiment, tu vois, des gens comme ma sœur qui ont super peur des araignées. Enfin, ça m'étonne que personne se soit sorti, parce que la salle, elle était pas grande et ils étaient à un mètre d'elle, quoi. Moi, je pense honnêtement, mais que j'aurais bondi dans le public, quoi. Je pense que j'aurais interrompu le spectacle et demandé à quelqu'un de la dégager. Avant de reprendre. Bah, peut-être que justement, bon, ils étaient très proches d'elle, c'est vrai, mais comme ils avaient les yeux rivés sur elle quasiment, d'ailleurs, toi, tu ne voyais pas les gens regarder tous au même endroit, etc. Non, je pense que, en fait, tu sais, quand tu joues, tu te remets tellement en question. S'il y a un problème, tu dis, qu'est-ce que je... Enfin, voilà, peut-être que j'ai un mauvais rythme, peut-être que je suis trop rapide, trop lente. Donc, j'arrivais pas à me rendre compte que... qu'il y avait un problème extérieur à moi, quoi. D'accord. Et du coup, là, pour la reprise de la scène, là, tu as réussi à contacter l'araignée pour reprendre? Tu veux qu'on fasse un duo? Ah ben, franchement, ce serait du jamais vu, tu vois. Ouais. On a déjà vu un homme et une femme, on a déjà vu deux femmes, deux hommes, machin, mais on n'a jamais vu une femme et une araignée. Effectivement, je pense que la liste des choses qu'on n'a pas vues est encore assez longue, mais ouais, non, non, ça, désolé, je vais rester campée sur mes égoïste. Positions de, ouais, égoïste et à pas vouloir partager la scène avec une araignée si on me le permet. Ah mon Dieu, non mais j'avais jamais repensé comme ça, mais je l'imagine monter sur mes affaires. T'imagines si je me chante. T'as peur des araignées, toi? Bah oui, un peu, oui. Voilà, bah, imagine-toi le truc, t'es en plein spectacle, tu vas te changer et t'as une araignée immense, je pense grande comme ta main, qui est sur ah, toi. Je touche même pas à mes affaires, je reste habillée en habit de scène. Ouais. Je brûle ma tenue, je brûle le théâtre et on finit dehors. Le théâtre de rue, on n'en parle pas assez, voilà. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, l'araignée n'est plus là. Mauvaise nouvelle, le théâtre non plus. Exactement. Ah, mais oui, c'est une belle galère, hein, tu sais, c'est pas mal. Bah, alors, quelque part, heureusement que tu ne l'as pas vu parce que ça t'aurait perturbé, en fait, tu aurais passé le reste du spectacle à vraiment observer. Je tu vois, t'aurais pense, vraiment ouais. passé. Ah, mais tu aurais passé le reste du spectacle à la gaieté de partout. Ouais, et ouais. Tu n'aurais pas délivré la même performance. Bah, d'ailleurs, je pense que toutes les fois que je suis revenue au théâtre après, j'avais peur qu'elle soit dans un coin. Mais après, une fois qu'elle est partie en coulisses, tu vois, comme si elle était. Une fois qu'elle a rejoint les coulisses, ouais. Et ben, non, bah, les gens étaient plus détendus. Et j'ai senti ouais, qu'il y avait eu un changement, tu vois. Donc, et donc, tu ne l'as plus jamais revue après cette représentation-là? Je ne l'ai plus jamais revue, mais le régisseur, oui, pareil, je crois qu'il avait peur. Il m'a dit, ça se trouve, elle doit être encore là, je ne sais pas d'où elle vient. Tu sais, c'est des petits théâtres parisiens où les coulisses sont en sous-sol. Donc, il doit y avoir des trous directs. Non, je vais arrêter d'y penser. Non, mais voilà. Disons-nous simplement que cette araignée était venue pour une représentation en one-shot. Ouais, et qu'elle était... voilà, c'était juste plus. Ce soir-là, c'est tout. Non, ça lui a pas plu, elle est partie au bout de 15 minutes, je pense que... Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc, désolé de gratter, hein, je suis vraiment désolé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc, tu vois, une question à se poser au niveau de la qualité du spectacle? Peut-être, peut-être que je ne suis pas assez inclusive avec les araignées, tu vois. Voilà, ton spectacle n'est pas spider-friendly, tu vois. Effectivement, je vais retravailler ça, là, je vais rejouer bientôt, donc, mais parce qu'au jour où on enregistre, on est à quelques jours de la réouverture des théâtres. Oui. Alors, mais je sais pas, vu que je parle du passé, si ça se trouve, ils ont refermé. Mais non. Je prie Dieu que ce soit pas le cas, je prie Dieu qu'on soit pas reconfiné au moment du podcast. Ouais, parce que là, on est en mai, on sait pas ce qui va se passer. Là, qui sommes-nous maintenant à l'heure où vous nous écoutez? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, ça roule dans une semaine. Moi, je joue dans 17 jours. Donc écoute, je vais essayer de rendre ça plus spider-friendly. Tu as parfaitement raison. C'est ça. Pour qu'on se tienne tous la main en chantant autour du monde. Donc, totalement. Je te vois bien refaire ton affiche avec non. une grosse non, arrêtée, non, non, s'il te plaît. Non, non. Et marquer un spectacle écrit à 8 mains. Ah, c'est beau. Ouais. Écoute, c'est très beau, mais je pense que cette idée va pas être retenue. Bon, mais écoute, je vais prendre sur moi, hein, c'est pas grave. Voilà, mais c'est pas contre toi. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. Hein. J'ai essayé de prendre ta défense, l'araignée, hein, désolé. Exactement. Tu avais d'autres galères comme ça, du coup? Oui, bah après, bon, t'as plein de petits trucs, tu sais, qui t'arrivent. Genre, ça m'est déjà arrivé de me blesser sur scène. T'essaies de tenir le truc, ça m'est arrivé d'oublier des accessoires. Ah oui, non, bah à Avignon, j'ai besoin d'une robe de chambre pendant mon spectacle, mais c'est vraiment, c'est capital, quoi, tu vois, parce qu'il faut absolument que pendant la moitié du spectacle, on ne voit pas comment je suis habillée sous ma robe de chambre. Donc je suis en robe de chambre pendant une demi-heure, 40 minutes. Et j'avais tout préparé, tu sais, Festival d'Avignon, t'es stressée, tu pars pour un mois, t'as tout préparé. Et puis, très intelligente, j'ai fait une lessive avec tous mes costumes avant de partir. Et bah, le seul truc que j'ai pas pris, c'est la robe de chambre qui met plus de temps à sécher. Et je m'en rends compte 30 secondes avant le début de mon spectacle, que j'ai pas l'art de chambre. Bon, 30 secondes, j'exagère, peut-être 5 minutes. Et bon, maintenant, tu vois, je sais gérer le stress. Maintenant, quand il y a un imprévu, tu es là. Ok, trouver une solution. Tu sais, tu te plains pas, je me plains une demi-seconde et j'essaie de trouver une solution. Et là, bah, le public était déjà installé. Hein, et c'est ma metteuse en scène, mon amie Sophie Tellière. Elle était là, tu vois. Ok, les magasins sont en train de fermer. Il me faut une robe de chambre. Du coup, elle a trouvé la première boutique dans le coin. Elle a acheté un truc. Elle a acheté un truc que je dois toujours revendre sur Vinted. Je sais même pas ce que c'est. On a jamais su. Je sais pas si c'est un manteau, une robe avec une ceinture. Elle a acheté un truc à 80 balles. Tu te rends compte? Et vraiment, mais elle a, parce que c'est le magasin qui est en train de fermer, elle a pris un truc. 80 euros ? 80 euros, ouais. 80 ah euros. Ouais ? Non, mais attends, 80 euros. Normalement, à ce prix-là, il n'y a pas que la robe de chambre, il y a aussi la chambre. Exactement. Ça vaut quoi ? Ça vaut 30 balles, normalement, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Je te dis, c'est un manteau, je ne sais pas ce que c'est un kimono, j'en sais rien. J'aimerais bien que les gens m'expliquent ce que c'est cet accessoire de mode, je ne comprends pas toute la mode. Et elle a trouvé ça, mais on en a reparlé. Elle a dit, parce que c'est la boutique qui est en train de fermer. Tu vois, moi, je jouais à, je ne sais plus, à 20h30, un truc comme ça. Donc, tu vois, le temps qu'on s'en rende compte, vraiment, les magasins fermaient. Et on s'est dit, vraiment, si ça avait été fermé, soit je pense que j'aurais dû piquer ce qui ne se fait pas, tu vois, trouver un costume parmi ceux qu'il y avait, voir si un truc pouvait passer. Mais sinon, elle serait allée frapper chez des gens, quoi. Elle serait allée frapper chez des gens en disant « Désolé, c'est la première ce soir ». Et puis après, bon... J'imagine avec un flingue. J'imagine avec un flingue. Ceci est un hold-up. Est-ce que vous avez une robe de chambre? Exactement. Les bijoux sont là. Ta gueule, je m'en fous des bijoux. Je veux une robe de chambre. Je veux une robe de chambre et 80 balles, exactement. C'est ce qu'elle aurait fait, quoi. Mais peut-être, je pense, bon, voilà, les gens d'Avignon, ils peuvent comprendre, tu vois, il y a plein de spectacles, mais j'ai joué 2-3 jours avec ce truc qui n'était pas du tout pratique, parce que, tu vois, moi, j'avais vraiment acheté ma robe de chambre, elle a une taille particulière, elle monte assez haut pour qu'on ne voit pas le haut du costume, elle descend assez bas. Et donc là, j'ai joué avec ce truc, ce kimono, manteau, je ne sais quoi, pendant 2-3 jours. Et puis, on m'a envoyé ma robe de chambre par la poste. Et ça, ouais, ça c'est arrivé plein de fois qu'elle me dépanne. C'est déjà arrivé, pareil, que j'oublie les chaussures à talons que je devais porter 20 minutes avant la scène. Donc, elle me retrouve. Elle m'a sauvée, mais elle m'a sauvé de tellement de stress, d'oubli, mais à chaque fois, j'oubliais un truc. Et là, ouais, les chaussures, c'est déjà arrivé. Elle ne pouvait pas venir à la représentation ce soir-là, mais elle m'a retrouvée devant le théâtre. Elle m'a apporté des chaussures qu'elle venait d'acheter. Et le lendemain, elle les a récupérées. Elle est retournée les rendre, quoi, les échanger. Et, ouais, ouais. Donc ça, voilà, des trucs comme ça. Et puis après, bon, t'as les trucs chiants aussi. Tu me rappelles une anecdote, en fait, de Sophia Sicco, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Voilà, Sophia Sicco, donc excellente humoriste belge, qui m'avait raconté qu'elle oubliait tout aussi, et tu parlais de chaussures. Une fois, elle a oublié, enfin, ça lui arrive des fois d'oublier ses chaussures, de ne pas avoir les bonnes chaussures pour le spectacle. Du coup, elle m'a dit qu'elle regardait dans le public, elle demandait qui fait du, je crois que c'est vrai. 38, elle demande, ensuite elle regarde les chaussures et elle dit, attention, je sélectionne genre quelque chose de stylé, quoi. Ah ouais. Et elle emprunte les chaussures à quelqu'un, à une femme du public, t'imagines ? Ah ouais, génial ! Ah bah c'est super, ça. Bah oui, ça crée une cohésion avec le public, ça crée un rapport encore plus proche, parce qu'elle, elle est très très, tu vois, dans la conversation, dans la proximité avec son public, et ça, je trouve que c'est génial. Moi, ça m'a fait rire quand elle m'a dit ça, tu vois, parce que vraiment, c'est... Top. En plus, tu sais bien, les gens, le public... Dès qu'il y a un truc comme ça, il y a toujours le doute. Est-ce que c'était prévu ou pas, quoi ? C'est vrai. Et c'est génial. Bah écoute, j'y penserai la prochaine fois. Mais moi, le problème, c'est que je fais du 41 et sache que c'est une pointure peu commune parmi les femmes. Ouais. Ouais, parce que tu es plutôt grande. Oui, je fais 1m74, un truc comme ça. Donc, t'es plutôt grande voilà, par rapport au reste des femmes et tout. D'habitude, c'est plutôt genre 1m60, 65, quoi. Ouais. Mais donc toi, ouais. 1m74, oui, t'es même plus grande que moi, tu vois, moi je fais 1m69, 70, t'es même plus grande que moi, donc franchement, non, t'inquiète pas, hein, c'est normal, la pointure va avec la taille aussi, hein, c'est normal. Écoute, tu vois. Mon amie Sophie, elle est plus grande que moi, mais elle a les pieds plus petits, donc voilà. Ah d'accord, ok. Donc, dans ma famille, on a les pieds très grands, voilà, comme ça, les gens le sauront, ma famille a les pieds grands. Voilà, c'est, je pensais pas parler de ça, mais voilà. J'avais pas prévu non plus, tu sais, mais ce podcast-là, ça commence toujours par tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter, puis après on se retrouve à parler de pointure et de robe de chambre, tu vois. Donc voilà. Ah, c'est pas grave. Bah, d'ailleurs, ce qui serait marrant, ce serait qu'un jour tu essayes la technique de Sophia Sicco sur l'histoire de la robe de chambre. Que tu arrives et que tu dises, bon, j'ai oublié ma robe de chambre, est-ce que quelqu'un en a une sur lui, tu vois. Et du coup, si quelqu'un n'en a pas, je demande s'ils ont 80 balles, c'est ça. Ah aussi, bah oui, bah évidemment. Voilà. Attends, faut mettre le public à contribution, tu vois. Et en leur prenant l'argent, tu sais, tu prends le ton le plus solennel et tu leur fais merci au nom du spectacle vivant. Exactement. Tu me donnes beaucoup de leçons aujourd'hui, il faut que je prenne des notes. Désolé, hein, j'ai tendance à tout commenter, mais c'est pas ça. Mais je t'admire. Je te remercie. J'essaye de faire en sorte que ce podcast soit un podcast vivant aussi, tu vois. Voilà. Et du coup, toi, t'as une robe de chambre ou pas ? Alors, pas sur moi. Pas. Non, j'ai pas. Non. Je peux en emprunter une pour toi si tu veux. Et je te l'envoie par la poste. Mais bon, voilà. Il faudra que je voie les dates de reprise de ton duo avec l'araignée. Ah non ! Du coup, maintenant, j'imagine l'araignée avec une mini robe de chambre à. Bon, l'avantage, c'est qu'elle ne coûtera pas 80 balles, elle coûtera moins. Peut-être. Bah, je pense que ce sera du sur mesure, donc ça coûtera peut-être même plus cher. Hein. Bon, si jamais on a des tailleurs spécialistes en araignée, il y a moyen de faire quelque chose. Là, tu m'as collé l'image. Moi, je pensais à toi en robe de chambre. Ouais, tu vois. Mais du coup, tu m'as collé l'image d'un duo, toi avec ta robe de chambre et l'autre, l'araignée avec le modèle réduit, tu sais. En train de faire des claquettes, ouais, complètement. Ouais. Oh, c'est trop bien. Ok. Et oui, alors je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que tu t'étais blessée sur scène. Ouais, je me suis blessée sur scène. Ça m'est déjà arrivé de faire des faux mouvements au début quand j'étais vraiment. Quand j'étais pas encore habituée, et puis t'es très tendue, du coup tu fais des faux moments. Mais une fois, ouais, à un moment, je tombe sur les genoux dans mon spectacle et ça m'arrive de mal me réceptionner. Et souvent, quelques jours plus tard, j'ai des bleus. Aïe. Mais tu sais, c'est dingue parce que quand tu joues, tu le sais. Parfois, tu te rends pas compte de ce qui t'arrive, quoi. Et c'est seulement après que tu te rends compte que tu t'es fait super mal ou. Mais par contre, je m'étais fait mal quelques jours avant. J'avais, tu sais, ce genre d'égratignures que t'as quand t'es gosse, les sur les genoux et tout. Et du coup, je tombe sur les genoux et ça m'a rouvert un énorme truc sur le genou. Du coup, ça a commencé à dégouliner le sang. Et en fait, c'était plus impressionnant que douloureux. Ou peut-être que moi j'étais encore coupée de la douleur, mais vraiment ça coulait. Et puis toi, t'essaies de jouer, t'essaies de dire, ah, vous étiez pas, continuez, enfin je continue. Sauf que les gens, pareil, ils regardaient ça, ils disaient, mon Dieu, mais enfin il y a du sang, quoi. Du coup, il devait y avoir deux sortes de réactions dans la salle. Il devait y avoir les gens qui disaient, oh la pauvre, elle s'est blessée, tu vois, et t'avais les autres qui disaient, oh là là, quelle performance. Je pense les deux, tu vois, ils sont dit, elle continue, mais ouais, quel dévouement à la cause du théâtre. Et du coup, là j'ai fait exactement ce que tu me conseillais de faire, c'est que j'ai demandé si quelqu'un avait un pansement. c'est plus courant dans les sacs à main que les robes de chambre, j'avoue. Exactement. Il y avait deux personnes qui en avaient. Et en plus, moi, c'était au niveau du genou. Et tu sais, vu que j'étais debout, le sang, il descend, quoi. Donc ce que j'aurais dû faire normalement pour que ça arrête de saigner un peu, c'est j'aurais dû m'asseoir. Et attendre, tu vois, enfin, je sais pas comment on dit, mais tu sais, juste pour que le sang arrête de. Ça coagule. Voilà. Et qui était dans cette salle ce soir-là ? Sophie Le Teguerre, régisseur. Ma bonne amie ? Non, même pas. L'araignée ? Non, non plus. Non, non, non. Sophie non. Oui, donc Sophie Teguerre, voilà, oui, qui t'avait sauvé. Une petite araignée avec une mini trousse de secours et tout. Non, c'était mon amie Sophie qui était là et qui avait un pansement. Du coup, elle me le donne, mais. Je le mets, mais comme je restais debout, du coup, ça continue à pisser le sang malgré le pansement. Donc, j'ai attendu un peu, mais ça va, j'ai pu continuer. Mais c'est vrai que oui, ça m'est déjà arrivé de faire un faux mouvement, tu sais, vraiment limite me bloquer le cou et continuer le spectacle malgré ça. Mais tous les gestes que tu fais à partir de ce moment-là sont super douloureux, quoi. Ah, et même, une autre fois, je suis tombée malade sur scène, je me sentais pas bien avant et pendant le spectacle, je sens que ça commence à me lancer. J'étais vraiment pas bien, quoi. Et tu continues jusqu'à la fin. Et j'ai déjà joué aussi en béquille. Je m'étais fait une entorse. Tu sais, le truc, on me dit « Ah, fais attention, regarde pas ton téléphone dans l'escalier, tu vas tomber. » Bah, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Je me suis fait une entorse et quelques jours plus tard, je jouais. Et bah, comme je t'ai dit, les gens, ils étaient convaincus que ça faisait partie du spectacle. Je disais, ça n'a pas de sens. Je n'en parle à aucun moment. En plus, moi, je fais un truc assez physique, tu vois. Je suis pas en mode stand-up debout où je parle. Tu vois, j'ai plein de déplacements, j'ai des personnages, j'ai des changements de costume. Et je l'ai fait en béquille, quoi. Et les gens ont cru que c'était fait exprès, que ça faisait partie de l'histoire. D'accord. Ah oui. Ben quand ça arrive comme ça, les gens, en fait, ils ont toujours tendance à se dire ça fait partie du spectacle parce qu'ils connaissent pas ton univers. Donc, ouais. Ils se disent, normalement, tout ce qui va se passer là, tu sais, ils ont l'impression qu'il y a une maîtrise. Oui. Donc, ils se disent, voilà, tout ce qui va se passer là est maîtrisé. Donc là, il y a une raison pour laquelle il y a ça et ils attendent le moment où tu vas en parler ou quoi. Mais ouais. J'avoue que si de A à Z, tu n'en as pas parlé, c'est bizarre. Après, est-ce que tu ne l'as pas fait annoncer par la personne qui t'a annoncé sur scène ou... Non, même pas, j'en ai parlé à la fin. Mais tu me rappelles, il y a un, tu sais, Gaspard Proust, j'ai vu un de ses spectacles et il arrive au début de la scène, du spectacle avec une guitare, une housse de guitare sur le dos. Je ne sais même pas s'il y a une guitare dedans à la fin. Il la pose à côté de lui et il ne s'en sert jamais et il n'en parle jamais. Et... Alors, ça c'est fait exprès pour troubler le spectateur. Exactement, voilà. Donc, tu dis, les gens peuvent se dire, c'est ça, elle ne parlera jamais. Mais non, je ne l'évoquais jamais. En plus, à un moment, je fais semblant de courir dans mon spectacle. Donc là, bah, j'ai sauté sur... j'ai fait du cloche-pied, quoi. D'accord. C'était un peu moins dynamique. Tu avais posé les béquilles à côté de toi ou tu les gardais la main Je les ai posées à côté. Elles étaient posées d'accord, sur okay. Le côté de la scène. Elles étaient là où il y avait l'araignée avant. Voilà. Je crois que ce podcast il est spécialement pour l'araignée. Voilà, il est comment t'as dit friendly. Araignée friendly. Spider friendly. Spider friendly. Ouais. Pardon, excuse-moi, désolé, j'oubliais le titre international. Je suis désolé à Maya, mais à partir du moment où on invente des mots, la moindre des choses c'est de les respecter. Voilà. Exactement. C'est comme le retard dans un théâtre, le vocabulaire ça se respecte. D'accord. Ah, mais c'est quand même beau, t'as eu toutes les galères possibles au final, tu vois. Bah ouais, non, mais j'ai eu un mec là à Avignon, pareil, qui faisait la gueule pendant tout le spectacle. Honnêtement, je pense qu'il s'était engueulé avec sa copine juste avant, parce qu'il dès le début, en fait, je le vois. Moi, je parle à quelqu'un dans le public pendant le spectacle, et généralement, je choisis avant, tu vois, je regarde, et puis je vois ce mec qui avait... Avant que le spectacle commence, qui avait l'air un peu ailleurs, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais le mettre dans le spectacle. Et puis en fait, je lui parlais, il faisait la gueule et tout. Et puis en fait, par moments, il regardait son téléphone. Et il était à côté d'une femme et ils étaient vraiment dos à dos, ils se regardaient jamais. Je pense pas qu'il soit venu seul, quoi. Sinon, tu vois, pourquoi il serait allé seul s'imposer ça, quoi. Tu vois, moins que ce soit une façon de se faire du mal, de se dire, tiens, je vais aller voir un spectacle, je déteste ça. Et en fait, oui, j'ai eu des publics, par moments, tu sais, qui interviennent trop ou pas assez. Et avec le temps, ouais, tu t'habitues et t'arrives à gérer les choses. Alors que au tout début, moi, mes premières représentations, une de mes premières, j'ai eu un problème un son qui est déclenché au mauvais moment et tu as l'impression que c'est la fin du monde. T'es là, mais comment je vais faire ? Dès que ça me sort de mon spectacle deux secondes, je suis là, mon Dieu, mais c'est la fin du monde ! Alors que maintenant, t'es là, on verra comment on fait et puis voilà. Ouais, t'improvises et puis tu te sers des situations, tu dévies un peu de tes personnages, des fois tu vas dévier du texte d'origine et tu vas te servir du personnage pour adresser un problème, quoi. Exactement. Bah, avant, quand je devais sortir de mon texte, j'étais vraiment en panique et je disais un ou deux mots et puis je revenais tout de suite dedans. Alors que là, maintenant, c'est un peu, tu sais, c'est comme si c'était un livre, tu mets un marque-page, tu le mets de côté, tu fais, ok, bon, c'est quoi le problème puis tu commences une autre histoire. Et là, tu vois, à Avignon, la deuxième ou troisième représentation, à un moment, j'ai besoin d'un micro. Le régisseur avait oublié d'installer le micro, tu vois. Mais je m'en suis rendu compte une fois que j'arrive sur scène. Lui, le pauvre, s'en est voulu pendant tout le spectacle. Mais j'arrive comme ça. Et puis, au moment où je me dirige vers le micro, bah, je vois qu'il n'est pas là. Et toi, t'es là. Bon, bah, micro-magique! Et puis, tu fais comme si... je l'ai dit, j'ai dit micro-magique, et puis j'ai fait comme si j'avais un micro, tu vois. Bon, ça avait pas la même acoustique, mais voilà. Puis moi, je m'énerve pas. Après, je dis, bon, voilà, l'erreur est humaine. Bon. Ah oui. ça arrive à tout le monde de se planter. Donc, voilà. Si c'était arrivé tous les soirs, peut-être que ça m'aurait saoulé, mais... Mais oui, maintenant, tu es là, bon, OK, il y a un problème, comment on réagit, puis voilà, quoi. D'accord. Parfois, tu as des proches qui viennent, parfois, ça t'aide, parfois, ça t'aide pas. Par exemple, parfois, ils sont à fond. Tu vois, j'ai une famille qui est un soir où il y a plein de gens de ma famille qui sont venus. Il y en a même qui sont montés sur scène, qui ont ouvert les rideaux avant pour me parler. Tu vois, je suis là, non, bah non, non, on est, oui, mais non. Et même, ils sont montés sur scène à la fin, tu vois, pour venir me voir. Non, bah non. Et, Alors, c'est garder le côté solennel, quoi. Bah, c'est ça. Enfin bon, même pour quelqu'un qui bosserait dans un bureau, t'arrives pas comme ça, en plein milieu d'une réunion, genre, ah, salut, c'est nous. Et donc, ouais, bon, c'était marrant. Je me suis dit, voilà, j'ai une famille, on est assez nombreux. Donc, tu vois, là, quand ils sont venus, ils représentaient le quart ou la moitié du public. Et donc, un soir, ouais, je joue et j'ai une copine qui vient me voir. Et c'est un soir où il n'y avait pas grand monde. Et parfois, tu sais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu joues devant 4 personnes, ils sont à fond, il y a une ambiance du tonnerre. Et puis parfois, tu vas jouer devant plein de gens et tu ne sais pas ce que c'est, si c'est la météo, leur état d'esprit, toi, qui font que bah, parfois, il n'y a que des gens silencieux, quoi, et ça ne décolle pas. Les gens, là, ce soir-là, ne rigolent pas trop, ne font pas de bruit. Toi, moi, j'ai du mal à me caler au niveau du rythme parce que t'es là, attends, est-ce que je fais trop vite, trop fort, trop lentement, je m'en rends pas compte. Et puis j'avais cette copine au premier rang qui était venue avec sa cousine et puis elle me regardait dans le blanc des yeux comme ça. Et vraiment, mais à chaque fois je la regardais, je me disais, vas-y, elle va entraîner les gens, tu vois. C'était limite la personne la plus silencieuse, quoi. Et à la fin du spectacle, elle vient me voir, elle me dit, oh, j'étais tellement mal à l'aise pour toi, j'osais pas faire de bruit. Je dis, bah non, non, fais du bruit, justement. Voilà, enfin bon, je comprends. Ça me fait du bruit, justement, aide-moi, mais bon, ah là là, j'étais là, mais c'est vrai que c'était dur, je la revois encore, là, en train de me regarder comme ça, vraiment, mais j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois, c'est un moment de solitude. Puis bon, même pour moi, c'était gênant qu'elle voit une représentation comme ça, mais bon. J'ai déjà vécu ce que tu disais tout à l'heure, genre très peu de personnes qui te mettent une ambiance de ouf et une salle presque plutôt bien remplie et qui est vraiment silencieuse et tout. Et oui, je comprends que tu aies espéré qu'elle lance un peu les rires parce que quand tu as quelqu'un, quand tu as un soutien dans la salle, en général, il va rire de bon cœur, hein, c'est pas inventé ou quoi. Ouais, et ouais. Le fait que quelqu'un se lâche va déverrouiller les autres. En fait, on espère que quand on a des soutiens dans la salle, ça va entraîner les autres. J'ai l'impression que le rire, c'est un petit peu comme des dominos, tu vois. C'est-à-dire que s'il y en a un qui tombe, il va entraîner les autres avec lui. Et là, en l'occurrence, non, ça s'est pas passé. Et c'est tellement frustrant. Bah, c'est tellement frustrant. Et puis, surtout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, tu vois, tu en parlais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un truc, c'est que quand t'as quelqu'un qui vient te voir, tu sais, il arrive jamais à venir te voir, et il te dit, toi, tel jour je viens. Et les jours où il n'est pas venu, t'as cartonné, hein, attention. Ouais. Hein. Et le jour où il vient, tu vas prendre un four, ou tu vas prendre, tu vois, genre, où tu vas être, il va y avoir un problème qui fait qu'il n'y a aucune ambiance dans la salle, t'as raté un effet, t'as un problème de régie, t'as quelque chose. C'est-à-dire, les gens les plus proches de toi qui veulent venir voir, dont t'as envie dont t'as envie d'être fier, tu vois, t'as envie de te dire, ouais, je suis trop fier, il est là dans la salle, ou elle est là, et vraiment, je veux lui montrer. Tu vois, c'est comme si tu montrais ton bébé, en fait, quoi, tu vois. Ça fait tellement longtemps que je t'en parle, voilà mon bébé. Le jour où tu montres le bébé, bah, malheureusement, il a une grosse crotte de nez qui sort et c'est dégueulasse, tu vois. Bah, exactement. Bah, moi, son frère était venu me voir et il lui avait dit, ah, mais son nouveau spectacle, il est génial, faut que tu y ailles, c'est génial et tout. Et je me disais, vas-y. Enfin, donc, on lui avait monté le truc, quoi. Et puis, en plus... moi, je sais pas toi, mais moi, c'est le public quoi, que j'appréhende le plus, les proches, les amis, la famille. Et puis, à chaque fois, ils te disent, bah non, mais nous, on est un public conquis, mais enfin, pourquoi t'as peur et tout. Et je suis là, mais parce que vous, je vais vous voir tous les jours. Et je me dis, ça se trouve, pendant toute ma vie, vous allez vous dire, oh la pauvre, oh là là, mais quelle carrière elle a choisi, il faut vraiment qu'elle arrête, hein, tu vois. T'as pas envie de les décevoir. On est intimidé et puis on se dit en plus, on se dit leur temps est plus précieux que le temps du public lambda, en fait, parce qu'on se dit, le public lambda, il a choisi de venir nous voir, ouais. Alors qu'ils vont venir plutôt pour te soutenir, tu sais, donc tu te dis, ils viennent pas me voir, ils viennent me soutenir, donc ouais, j'ai vraiment envie de leur délivrer la meilleure performance, tu vois. Bah, tu veux leur donner raison de te soutenir, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi quand j'ai des échecs, parfois, j'ai peur de le dire à ma famille, parce que j'ai peur qu'ils se disent, on a tort de croire en elle, tu vois. C'est ouais, non, ils arrêteront pas de te soutenir, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de se voir et tout. On a envie de leur montrer que les côtés vraiment brillants et tout, tu vois, du truc. C'est normal, c'est humain, tu vois. On n'a pas envie de se présenter sous son plus mauvais jour, on va dire, tu vois. Non, mais c'est normal. On se dit, ces gens-là viennent nous soutenir. On a vraiment envie de leur délivrer la meilleure performance possible et qu'ils repartent en se disant, bah voilà, le choix de carrière est magnifique. Et voilà. Exactement. De toute façon, si jamais tu as des proches qui viennent et que le lendemain, ils t'ont supprimé de leur répertoire, c'est que la performance n'était pas ouf. c'est pas encore arrivé, mais ouais. Je te le souhaite pas. Non, franchement. moi, je suis extrêmement bien entourée. Ma famille me soutient énormément. Mais c'est vrai que, ouais, comme tu dis, j'ai toujours peur de les décevoir. Moi, j'ai déjà eu... avec mes vidéos et d'autres choses que je fais, ça m'est déjà arrivé d'avoir, des commentaires super durs où j'ai fait une sorte de bad buzz à un moment. Et puis, j'avais plus peur pour ma famille que moi, en fait, tu vois. Et ce qui est mignon, c'est que ma famille avait plus peur pour moi que pour eux, tu vois. Moi, j'avais peur que ça les attriste et eux, ils avaient peur que ça m'attriste, tu vois. D'accord. Ouais. C'était il y a très longtemps. En fait, moi, je suis fan de DiCaprio et j'ai des amis qui m'ont offert, tu sais, un carton en forme de DiCaprio géant, enfin, taille humaine, quoi. Et du coup, je me suis amusée, je les ai sur Instagram, j'ai fait quelques photos avec lui, tu vois, genre à la Saint-Valentin, à la naissance de notre fils Oscar, tu vois. C'est marrant. Et à chaque fois, je mets un commentaire, tu sais, ultra niais, un peu d'influenceuse lifestyle, genre la vie est tellement belle, profitez des gens qui vous entourent et tout. Et du coup, j'ai quelqu'un qui me parle du site 9gag, que je connaissais pas, je sais pas si tu connais. Ça me dit vaguement quelque chose, ouais, ils reprennent des vidéos, des trucs de buzz. Oui, c'est ça, tu peux partager du contenu, il y a une énorme communauté, je sais pas si ça cartonne encore aujourd'hui, mais voilà, c'est le genre de contenu où tu vas scroller pendant des heures, avoir plein de trucs drôles, machin. Donc nous, on avait fait un montage avec toutes les photos avec DiCaprio et on avait mis les commentaires, on les avait traduits en anglais, vu que c'est un site surtout en anglais, et on a mis ça, on a balancé ça. Et en fait, ça a buzzé dessus, mais les gens pensaient que j'étais sérieuse. Du coup, je me suis fait insulter, mais du style « mais cette meuf est tellement moche, tout ce qu'elle mérite dans sa vie, c'est un carton, mais vous voyez, mais elle est folle, mais elle est seule !» Et vraiment, gens sont bêtes, quoi. 3000, 4000, 5000 commentaires comme ça. Donc au début, ça te fait marrer. Et puis même au début, après, si tu sais que... Enfin, au début, quand j'ai commencé à l'accumuler, j'étais là, ça m'a quand même un peu tiré quelques larmes parce que c'est autant de violence, mais je sais que c'était pas dirigé contre moi et que c'était, et ça m'inquiétait pour ma famille. J'avais peur qu'ils le vivent mal, mais ils me disaient, les gens disaient, il y a eu la grande piste de, mais en fait c'est un mec, mais regardez cette meuf, c'est un mec. Et puis, il y en a, ils étaient super malins, genre, non mais regardez. Il n'y a jamais personne d'autre sur les photos. En fait, elle est seule, elle n'a pas d'amis. Et alors que s'ils réfléchissent deux secondes, il y a quelqu'un qui est en train de prendre la photo. Mais bon, tu ne vas pas raisonner les gens. Mais c'est vrai que là, c'était... Puis on a fini par supprimer les photos, quoi. Mais je sais qu'elles circulent encore quelque part et que les gens, se sont vraiment dit que j'étais tarée, sale au monde, et que je m'étais vraiment imaginé que j'étais mariée avec DiCaprio. C'était peut-être des ultra fans de Leonardo DiCaprio et jaloux. Même pas jaloux, mais en mode d'où tu touches à notre star, quoi, tu vois, un peu ça. Je crois que sur 9gag, ils sont justement assez fans de DiCaprio. Je sais pas, tu sais, il y a quand même une maladie du second degré sur Internet. Hein, les gens. Ce qui m'arrive souvent avec des vidéos, les gens comprennent pas. Mais laisse tomber, tu vois. Moi, je viens d'en poster une hier. Tu sais, où je dis en gros, j'applique le double temps de réponse pour les SMS. C'est-à-dire que si tu me réponds au bout de 10 minutes, je te répondrai au bout de 20 minutes après. Ouais, tu vois, je fais le double. Excellent. Et pour la blague, voilà, et ça, c'est une technique que beaucoup de gens utilisent. Tu sais, moi, je rigole, parce que la plupart du temps, je réponds immédiatement, en vrai. Et je pars en second degré en disant, là, il y a quelqu'un, par exemple, ça fait 5 ans que j'attends sa réponse, je vous raconte pas combien de temps il va attendre pour que je lui réponde. Ah ouais, c'est drôle. Tu vois? Toi, t'as compris le second degré. Et t'en as un qui me met dans les commentaires. Ah oh, bah si ça fait 5 ans, c'est qu'il doit s'en foutre. J'y mettais. Comme si j'étais premier degré, en mode je sais qu'il va répondre. Attends, quelqu'un qui te répond pas, même sous, allez, on va dire sous un mois, tu sais qu'il te répondra jamais, quoi. C'est mort. Je suis pas bête à ce point. Moi, c'était pour les maths. Tu vois, du style 5 ans. Bah, s'il me répond au bout de 5 ans, du coup, il attendra 10 ans. Tu vois, voilà. Bah, comme tu l'as dit, la maladie du second degré. Et oh mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont contaminés. Ah oui, non, bah moi, ça, à chaque fois que je fais des vidéos un peu parodiques, les gens, ils prennent ça au sérieux. J'ai fait une vidéo où je voulais parler un peu, tu sais, des parents qui mettent tout le temps des photos de leur enfant et puis limite à pas respecter leur vie privée, quoi, sur Internet. Et du coup, j'ai fait une vidéo, une sorte de faux envoyé spécial où c'est une femme dont le métier s'est devenu Children Community Photographer. En gros, elle s'est lancée dans... ce qui, en fait, depuis que j'ai fait ça, et ça existe, hein, c'est influenceur où tu mets des photos de tes enfants, quoi. Donc, elle, c'est son boulot, c'est mettre des photos de son enfant sur Facebook. Et bah, du coup, ouais, pareil, des gens ont cru que c'était un vrai reportage, donc on dit que c'était n'importe quoi. Après, il y a même des gens qui ont compris que c'était une blague et qui m'ont dit « Non, mais c'est pas bien de faire de l'humour parce qu'après, les gens, ils vont le faire pour de vrai. » Mais non, c'est de l'humour pour dénoncer. Non, l'humour, ça sert qu'à faire rire et donner les idées aux gens. Et là, la fille, elle me dit, parce que les gens, ils sont bêtes, vous savez. Je suis, oui, je veux bien te croire. Ça, je veux bien te croire. Tu sais, il y a un truc important que tu dis là, parce que tu dis qu'il y a des gens qui l'ont pris au premier degré. Et en fait, j'imagine que cette vidéo-là, elle a un peu plus buzzé que les autres. Elle a un peu été partagée, mais ouais. Parce que malheureusement, en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le buzz, très souvent, ça part pas du côté « Oh, c'est trop marrant, je vais partager », parce qu'il y en a des comme ça. Mais il y a beaucoup de buzz qui partent de « Regarde-moi ce scandale-là. » Oui, complètement. N'importe quoi. Allez, je partage. Tu vois, il y a eu… moi, je pense à deux exemples, tu vois. Je pense à Alexandre Kominek, qui avait fait une vidéo à un moment sur les gilets jaunes. Et les gens l'ont partagé, genre elle avait fait 4 millions de vues. Ah ouais. Mais parce que les gens l'ont partagé en mode premier degré. Ah oui, d'accord. Tu vois, en mode « Regardez-moi cet imbécile », tu vois, ou un truc comme ça. Inès Reg, avec sa vidéo des paillettes, elle l'avait expliqué ça. Elle disait que les gens, à la base, bon, bien sûr, ils l'ont partagé parce qu'elle avait un gros following, c'est normal. Mais il y a beaucoup de gens, dans le buzz, il y a une grosse partie de gens qui l'ont partagé parce qu'ils pensaient que c'était réellement une fille qui s'embrouillait avec son mec en mode « Confessions intimes », quoi. Ah oui, d'accord. Ah, voilà. Voilà. Donc, le buzz, très souvent, vient du premier degré. Bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Ton bad buzz, du coup, avec Leonardo DiCaprio. Bah, ça vient de là, je pense, le buzz, en fait. C'est juste que parce que les gens ne partagent pas tu vois, s'ils voient un humoriste qui fait du travail de qualité, ils ne vont pas forcément partager. Quand ils voient quelqu'un et qu'ils peuvent se foutre de sa gueule, là, par contre, ils s'en donnent à cœur joie. Vas-y, partage. Regarde-moi ça. Voilà, c'est vraiment un imbécile ou une imbécile, tu vois, c'est n'importe quoi. Bah, en plus, tu sais, c'est... pareil, j'ai fait une fausse bande-annonce. J'ai fait une bande-annonce parodique. Je ne sais pas si tu as vu le film Yesterday, qui... non. C'est un film où c'est un mec qui se réveille. Il a un accident et quand il se réveille, les Beatles n'ont jamais existé, tu vois. Et il y a plein de films comme ça. Par exemple, tu as Jean-Philippe, le film où le mec, il se réveille, il est fan de Johnny Hallyday, il se réveille, il n'a jamais existé. Donc moi, je voulais partager un peu ça. Et donc, j'ai fait un film, une fausse bande-annonce qui s'appelle La Cité de l'Aqua. Quelqu'un... Enfin, moi, tu peux trouver la vidéo. Je suis fan de La Cité de la Peur. J'ai un accident. Et quand je me réveille, bah, La Cité de la Peur n'a jamais existé, tu vois. Et donc, je me mets en tête de le réécrire. Et donc, c'était une parodie de ces trucs-là. Mais oui, j'ai eu plein de messages premier degré disant « Mais c'est du plagiat !» et tout, vraiment. C'est-à-dire que les gens ont cru que c'était un vrai film. Et du coup, ce qui était drôle, c'est que parfois, je voyais des commentaires, des gens qui comprenaient que c'était une blague, qui taillaient leurs potes en disant « Ah, faut qu'on aille voir ça !» Et les gens disaient « Ah là là, ça a encore l'air d'être une bouse, ce film !» J'étais là « Mais c'est un faux film, en fait !» Et du coup, ce qui est marrant, bon, là, c'est parfois, bon, je sais que je devrais ne pas faire attention à ça, mais parfois, tu réponds aux gens, quoi. Tu leur dis, c'est une blague, en fait, c'est une parodie, je suis au courant. Et là, les gens, dans ces moments-là, c'est ça, en fait, comme tu dis, ils partagent le truc vraiment au premier degré. Et quand tu leur pointes, quand tu leur dis, mais je te vois, en fait, là, ils vont supprimer le commentaire ou dire, ah, pardon, désolé, je n'avais pas compris. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui, quand ils trouvent une vidéo, ils ont vraiment un prisme de tout de suite de « Attends, qu'est-ce que je peux critiquer ?» Alors que moi, quand je vois un truc un peu comme ça, bizarre, il y a plein de gens comme ça, hein, tu sais, je vais d'abord essayer de vérifier si c'est un fake, si c'est... Mais parfois, il y a des trucs... ce qui est marrant, c'est que parfois, il y a des trucs qui sont vrais. Tu prends ça pour un fake et inversement. C'est vrai, totalement. Oui. Ben c'est chaud, hein. Malheureusement, Internet, c'est vrai qu'un des plus gros travers d'Internet, c'est le côté fake. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent, tu vois, des informations, ils vont prendre des trucs vrais et ils vont les faire passer pour des fakes. Et il y a des trucs totalement inventés qui vont faire passer pour vrais. Et j'ai l'impression que ça marche beaucoup plus dans ce sens-là, tu vois. Il y a beaucoup plus de fake news que de news qu'on va rendre fake, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement. C'est plus ça. Tu vois, à chaque fois, il y a des trucs, il y a des rumeurs et tout, machin, des bad buzz qui sont montés de toutes pièces. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais. Enfin, bref. La conversation sur les fakes, les internets et tout, c'est une conversation interminable. Ah oui, c'est sûr. Bah, tu sais quoi, ce que je te propose, c'est de la clôturer avec un joli hommage à l'araignée en disant qu'il faut faire toujours attention au danger de la toile. Waouh ! Oh là là ! Ah, le talent ! Le talent ! Ah, je n'en reviens pas. Bravo, là, je suis standing ovation dans mon salon, quoi. merci. Exactement, au danger de la toile, exactement, voilà. Ah, mais franchement, c'est très, très flippant, on a peur pour nos enfants et tout. Je sais pas, toi, t'as des enfants ou pas ? Non, j'en ai pas, tu en as, toi ? Moi, j'en ai trois, ouais. Ah ouais, non, bah, il faut... Il faut faire attention. Est-ce que je peux te suggérer une chaîne YouTube qui toute petite et j'ai un ami qui fait cette chaîne qui s'appelle Mytho et c'est une chaîne pour les enfants ouais. c'est pour apprendre en fait à déjouer on va dire les fake news les trucs comme ça quoi c'est pas mal. Ça s'écrit genre M-Y-T-H-O ? Alors, c'est hashtag mytho. Mais c'est le mot mytho, M-Y-T-H-O. Exactement. Et voilà, c'est pour les enfants, jeunes ados, quoi, tu vois. C'est bien. Et c'est vraiment sympa ce qu'ils font. Et ils font des interventions aussi dans des écoles. Et ils te prennent une info, tu vois, qu'ils vont trouver sur Internet et puis ils vont montrer, alors bah tiens, je vais chercher là, attends, est-ce que c'est vrai ? Comment je peux vérifier tout seul si c'est vrai ? Et c'est vraiment super. D'accord, bah, écoute, je te remercie, je mettrai le lien également dans la description pour que les gens puissent aller s'abonner à cette chaîne-là, voilà, pour protéger leurs enfants, hein, quelque part, c'est très bien. Et bien, merci beaucoup Amaya, c'était un plaisir de discuter avec toi. Merci à franchement, toi. C'était un vrai plaisir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Donc j'ai ma chaîne YouTube et Instagram, Facebook et mon site. D'accord. Et si on veut retrouver des infos sur moi, en fait, tu mets mon prénom, Amaya, et Show, SHOW. Donc mon site, c'est amayashow.fr et ma chaîne YouTube, si tu tapes Amaya Show, tu trouves aussi, voilà, tout ça. Twitter également ? Twitter, oui, je m'y remets une fois par an, mais ouais, j'y suis aussi par... j'ai un compte Twitter. Eh bien, très bien, je mettrai ton site officiel, Facebook, Twitter, YouTube et Instagram, pas de souci. Et donc voilà, et puis j'ai des dates, là on est en décembre, tu m'as dit. Oui, j'ai des dates à ce moment-là, et puis je suis en train d'écrire une pièce, il y a au mois de mai, donc normalement, au mois de décembre, elle devrait être de ce monde. Eh bien, on verra toutes ces infos sur tes réseaux sociaux, je mettrai tous les liens dans la description, et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, bis à tous, même à toi là-bas.